Saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu mujina la Yesu Kristo. Nous sommes encore heureux d'être dans la maison du Père. Tuko tena bahiri kuya mnyumba ya baba. Le frère manager qui était ici, qui est parti, depuis hier, qui est parti ce matin. Nduku manager ulalikuya huku alienda tangaja aenda jana. Il est arrivé hier. Arifika jana. Il est reparti ce matin. Na akaudia ya asubuhi. Vous êtes tous salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amisalimia nini wote mujina la Yesu Kristo. Ainsi que le frère Baizire depuis Goma. Na nduku Baizire tangia Goma. Faut se souvenir des frères de l'Est. Na fai kila mara kumbuka banduku yetu bako asubuhi. Parce qu'ils passent des moments difficiles. Sababu beko napitia wakati ya nguvu. Des fois, ce que vous entendez sur les radios n'est pas juste. Mara ingine bile munekalamu nashikia kuma radio abikarabi ya kweri. Leur condition est pénible. Ali yabu ya kuishi ni ya kigumu kabisa. C'est pourquoi il faut toujours prier pour eux. Njo kwa mana inafazai kila mara kubaombea. Pour que Dieu accorde la paix dans cette partie du pays. Njo Mungu alete kusalama mwile kipande ya inchi. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njo usome neno la Mungu. Nous prenons notre livre de Ruth. Tukona chukua kitabu yetu ya Luta mu sura ya 3. Ruth au chapitre 3. Luta sura ya 3. Nous prenons son verset 1. Tunaeba mstari ya kwanza. Ruth chapitre 3. Luta sura ya 3. Son verset 1. Mu mustari yake ya kwanza. Seigneur, merci. Bwana asante. Parce que ce soir tu as permis que nous soyons encore dans ta maison. Sababu imangaribi uriruhusu tupate kuwa tena mnyumba yako. Pour être instruit de ta part. Juu ya kufundishiwa kupande wako. Afin que par la voix de ta parole et de ton esprit. Kusudi kupitia njia ya neno lako na roho yako. Que chacun de nous expérimente le pardon de ce péché. Kila mmoja wetu apate kuonja usamehe wa madhambi yake. La sanctification. Utakaso. Ainsi que le baptême du Saint-Esprit. Na hata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Seigneur, nous sommes tous des humains. Bwana, sisi wote tukubatu binafsi. Des fois notre compréhension est limitée. Samoya kuelewa kwetu kuko na mipaka. Nous comprenons comme des hommes. Tunaelewa sabatu. Mais ta parole est éternelle. Lakini neno lako ni ya milele. Ta parole est vie. Neno lako ni bujima. Ce que nous te demandons, Seigneur. Kile tunakuomba tu Bwana. Toi qui as promis et dit. Uwe mwenye kulaka na kusema. Tu confirmes la parole de tes envoyés. Ukunakikisha neno ya bale ulituma. Ce soir ici, dans cette église, il y a les hommes et des femmes sincères. Mwimangaribi mwichumba muku banaume na banamuke ba moyo haki. Qui sont venus réellement pour les saluer parce que tu les as appelés. Akika barikuwa jua okovu sabu ujurwaita. Je te prie au nom du Seigneur. Nikula kusi mujina la Bwana. Que ta révélation vienne de ta part. Ufunuo ipate kutokea kwako. Donne-nous une compréhension juste. Utupatie kunyoloka kwa kweneana. Pour que notre salut soit effectif. Kusudi okovu yetu ipate kuya ya kweneana. Nous n'apprenons pas ces choses pour aller discuter. Atufunde bitu juu kwenda kubishana hapana. Pour une connaissance quelconque. Wala tujua kufahamu fulani. Que nous recevions toutes ces paroles comme notre nourriture du jour. Tupate kupokea maneno yote sawa chakula yetu ya siku. Que nous prenons pour avoir la force. Tuibebe njoo kupata nguvu. Afin de marcher dans les chemins du salut. Kusudi ya kutembea munjia okovu. Les frères et les sœurs ont des problèmes. Banduku na badara kuna mambo. Seigneur, souviens-toi de chacun. Bwana ukumbuke kila mmoja wabu. Ceux qui sont abattu puisse les fortifier. Bale benye kuchoka baba upatie nguvu. Ceux qui commencent à rétrograder fortifient. Bale banza kurudia mkongo muimani upatie tena nguvu. Et que la persévérance soit la règle d'or. Na kudumu kupate kuya kabaila. Ceux qui jeûnent jour et nuit. Bale benafunga chakula usiku na mchana. Parce qu'ils ont besoin de toi dans leur vie. Sababu wanakuhitaji maisha yabo. Que ta grâce leur accorde le Saint-Esprit. Neema yako ipate upatie Roho Mtakatifu. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno tasoma. Et bénis toute la congrégation. Na ubariki mkusanyiko wote. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Naomi, sa belle-mère, lui dit. Naomi, mama yake muko akamwambia. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Binti wangu, nilipenda kuhakikishia mapumziko yako. Afin que tu sois heureuse. Kusudi upate kuwa waheri mwanamke. Vous pouvez vous asseoir. Munawezi kala. J'aime attirer votre attention. Milipenda kutiangalisho yenu sana. Et je ne veux pas qu'un frère ou une sœur oublie cela. Na shipende nduku wala dada apate kusabwa hii. Nous parlons des choses qui sont liées directement à notre salut. Tukunasemeze abitu binambatana kabisa kabisa ku okovu yetu. Et des choses qui nous éclairent dans notre voie, sur notre chemin. Na bitu bebe tuangazia munjia yetu. Les choses qui peuvent nous permettre d'expérimenter le véritable salut de nos âmes. Bitu bile tuwezu tusaidia kuonja okovu ya kweli ya manafsi yetu. N'écoutez pas ces prédications comme de la littérature. Mushanze kushikia imahubiri satu ni kusoma bitu wa masomo. Ne cherchez pas à bloquer ces choses. Mushanze kutafuta. Comme si vous avez une interrogation qu'on va vous poser à la fin de cet enseignement. Kwanza kukamata hii bintu sawa kuku mashindano mwisho wa imahubiri. Cherchez à découvrir quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Lakini upate kutafuta kuyua mapenzi ya Mungu maisha yako ni nini. Qu'est-ce que tu peux tirer de ces enseignements pour que ton salut soit véritable? Ni nini unaweza kutosha mwa mafundisho njoo kovu yako pate kuwa ya kweli. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour une simple connaissance. Neno la Mungu haihubiriwe tu njoo wewe ufahamu tu. Mais elle est enseignée pour qu'elle soit vécue. Lakini iko nafundishwa ni njoo ipate tupate kuishi. C'est lorsque nous prenons la décision de la mettre en pratique et de l'obéir. Ni mwili wakati wa mpango wa kuitumikia na kutii kwa ile neno. Que la grâce de Dieu par le Saint-Esprit viendra vivifier cette parole en nous. Neno la Mungu kupitia Roho Mtakatifu itakuwa kutia bujima kwa neno ndani yenu. Et cette parole sera vie dans chacun de nous. Na ineno itakuwa bujima ndani ya kila mmoja wetu. C'est pourquoi écoutez avec beaucoup d'attention. Je kwa maana mnapasha kushikia na angali kuangalisha kwa nini. Pendant que nous avançons à pas de tortue. Mwakati ile tukunaenda polepole. Il est vrai que nous sommes en train d'éclairer certains points de la foi qui ont causé des divisions, qui ont causé des séparations, qui ont égaré beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Et la plupart ne sont plus dans la foi. Les autres par mauvaise compréhension de la parole de Dieu, des versets bibliques isolés qu'ils prenaient, ils isolaient ça. Ils les mettaient à côté sans les mettre en harmonie avec d'autres écritures. Les citations de Frère Branham ou de Frank que les frères prenaient d'une manière isolée sans comprendre et sans savoir d'où est-ce que Frère Branham ou Frère Frank tiraient ces déclarations. Bila kuelewa, bila kujua ni wapi nduku Frank wala nduku Branham aranza kubeba ile misemo. Cela, ça semé beaucoup de confusion dans les frères, ils sont partis dans les fausses doctrines. Na ile tamvuru kumba nduku ba mingi na barienda mafundisho ya bongo. C'est pourquoi prenez garde à ce que vous écoutez. Njoko maana munapasha kiba angi mwine munashikia. après avoir pris vos notes, prenez le temps aussi d'aller relire son message. Kisha uwe kuandika mkanisa, unapaswa kubeba tena wakati kunyumba ya kwenda kuisoma. C'est pourquoi vous voyez, je ne lis pas tellement beaucoup Frère Branham. Juko maana mutona mishi somi sana nduku Branham. Mais s'il y a des frères qui ont besoin de citations, je peux leur donner cela. Lakini kama kuba nduku wa dada mpenda wapate kwa misemo nduku Branham, banaweza kuilomba. Alors suivez vraiment attentivement. Sasa mufate kamuzuri muzuri. Nous avons parlé dimanche. Siku ya Juma tulisemezea du repos de nos âmes. Yulu ya kupumzika kwa manafsi yetu. Nous avons dit qu'il y a deux choses fondamentales que chacun de nous doit comprendre. Tulisema kubitu biwili vya msingi kabisa ile kila mmoja wetu anapaswa kuelewa. Et doit expérimenter dans sa vie. Na kila mmoja wetu anapaswa kuonja bi maisha yake. Pour qu'il soit en paix sur cette terre. Kusudi apate kwa msalama pa dunia. Et ces choses sont vraiment fondamentales. Na ibitu biku ya msingi kabisa kabisa. La première des choses nous avons dit c'est le salut de l'âme. Kya kwanza tulisema ni wokovu ya nafsi. Et le salut de l'âme na okovu ya nafsi va jusqu'au baptême du Saint-Esprit qui est le véritable repos. Ikunenda kufika par le baptiso wa Roho Mtakatifu yenye kuya mapumziko ya kweli. Le véritable repos de nos âmes se retrouve dans le baptême du Saint-Esprit. Mapumziko mzuri ya nafsi yetu unapatikana ni mubatizo wa Roho Mtakatifu. Et ce repos que nos âmes expérimentent, na ile mapumziko manafsi yetu kunaonja, nous l'expérimentons pour l'éternité. Tukuneyonja ni juu ya milele. Et pour cette vie terrestre, cette vie de voyageurs et d'étrangers sur la terre. Jua maisha ya padunia ya msafiri padunia. La deuxième chose qui donne la paix à l'homme ou à une femme. Kitu kia pili kunapatia salama kwa mwanaume wala mwanamke. C'est le mariage. Ni ndoa. L'homme doit trouver une bonne femme. Mwanaume anapaswa kupata bibi mzuri. Parce qu'une bonne femme est un don de Dieu. Sababu bibi mzuri ni zawadi ya kutoka kwa Mungu. Après que Dieu ait sauvé l'homme, kisha Mungu kwa mutu, la deuxième chose qui lui a donné de grande importance, kitu kia pira mpachia kia mafaa kabisa, c'est une femme. Ilikuwa ni bibi. Si c'est un homme, si c'est une femme, kama ni bibi, c'est, Dieu lui a donné un bon mari qu'il a chéri. Mungu alipatia bwana mzuri ule unampenda. Et qui la rend heureuse. Na eko namfanya kuwa waheri mwanamke. Si un homme ou une femme manquait les deux choses. Kama mwanamke au mwanaume anakosa hivi kivi. Padre tulisema siku ya Juma. C'est un homme malheureux. Ule mutu ni waole kabisa. C'est une femme malheureuse. Wala ule mwanamke ni waole kabisa. Il était préférable pour lui. Ilikuwa mzuri kwake. De ne même pas venir sur cette terre. Ashikuwezi kuya hata pa dunia. D'être un avorton, c'était mieux. Ata mimba yake pasi ta kutoka. C'est pourquoi pour le peu de temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Sababu njua hii masiku kidogo tunabakiria pa dunia. La parole de Dieu conseille à chaque frère, à chaque sœur. Neno la Mungu unashauria kila nduku na kila dada. De vivre en paix avec son conjoint, avec sa conjointe. Apate kuishi musalama na bibi yake na bwana yake. Ça ne sert à rien de vivre dans nos familles à couteau tiré. Abite tusaidia kukitu kwanza kuishi maisha mwa jamaa yetu katika makokotano. Parce que nos jours sont comptés sur la terre. Sababu mashiku yetu iko yenye kuhesabia pa dunia. L'écriture dans 1 Corinthiens chapitre 7, nous l'avons toujours lu. Wakorinto wa kwanza sura ya 7 tunaisomeaka kila mara. La Bible est très claire. Biblia iko wazi kabisa. En ce qui concerne le marié, kwa ile inaangalia benye kwa mundoa, il dit Dieu nous a appelés à vivre en paix. Anasema Mungu alituita ni njoo kuishi msalama. Alors soyons pacifiques. Asa tukuye basalama. Et rendons notre union, notre mariage heureux. Na tufanye mungano yetu wala ndoa yetu ikuwe ya heri. Notre foyer soit habitable. Jamaa yetu ikuye ya batu kuikala. Un foyer dans lequel jamaa ile la femme se sent heureuse. Mwanamume bibi anishikia kuheri. Se sent heureux. Na bwana anishikia. Les enfants se sentent heureux. Voilà une maison dans laquelle la bénédiction de l'Éternel demain. Alors, il faut la rechercher. Ça, c'est na fai kuitafutisha. Rechercher la paix. Tafutisha ni salama. Et la sanctification na utakas, tous. Na batu wote. Sans laquelle kama ina ile, personne ne verra le Seigneur. Hakuna mutu ulataona Bwana. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Nous avons montré que les, nous avons commencé à parler du repos de l'âme. Tunaanza kusemezea yulu ya mapumziko ya nafsi yenye kuya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nous avons montré que le Saint-Esprit est un sceau. Tunaonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni muri. Et comme un sceau. Na sa muri. Le Saint-Esprit signifie Roho Mtakatifu maana yake que vous êtes déjà une œuvre achevée. Ni kwamba unesha kuya kazi yenye kumalizika. Lorsque Dieu vous donne son Saint-Esprit. Mwakati le Mungu anakupatia Roho Mtakatifu yake. Votre cœur est suffisamment chargé de la parole pure, la parole de, la parole de vérité de Dieu. Moyo wako unesha kuyala na neno safi ya ukweli ya Mungu. Les wagons sur lequel nous avons dit ma wagon yule ile tulisemezea, le type du wagon que nous avons montré là, mufano ya wagon ile tulisemezea, c'est ton âme à toi, ni nafsi yako, c'est mon âme à moi, na ni nafsi yangu mimi. La marchandise qui devait être empilée, qui devait être bien chargée, na biashara bile bapashi kuweka mune kuzuri mzuri biashara. Voyez, c'est la parole que nous recevons tous les jours ici, ni ineno tunapokea hapa kila siku. Chaque jour que nous venons, parole, une parole est empilée dans nos âmes. Nous recevons parole sur parole. Dieu nous charge parole sur Mungu parole. Neno yulu ya neno ingine. Maintenant, quand Dieu sasa, mwakati le Mungu verra que notre âme ataona kwamba nafsi yetu est suffisamment chargée de toute la parole de Dieu, inapangwa mzuri mzuri na neno lote la Mungu, il n'y a rien na akuna tena en nous, akuna tena kitu kia bongo ndani yetu, et nous-mêmes en tant que ses élus, na shibenye sabate ule bake, nous avons accepté cette parole, tunaitika ile neno, nous nous humilions devant cette parole, tunajinyekeza mbele ile neno, nous obéissons à cette na, parole, tunatiku ile neno, nous la mettons en pratique, na tunatumikia ile neno. Dieu lui-même Mungu saye mnyewe viendra maintenant nous sceller de son esprit. Atakuya sasa kutia muri Paul ya roho yake. Pour nous enseigner. Na Paulo atufundisha. Il dit le Saint-Esprit. Anasema Roho Mtakatifu. Est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Beko na ipatia ni bale beko na muti Mungu. Et c'est Dieu qui nous baptise du Saint-Esprit. Na ni Mungu Dieu ne tubatiza Roho Mtakatifu. Donne son sceau. Ni Mungu Dieu tupatia muri yake. Et on tuchapa na muri yake. Il voit. Wakati le yana ona. Remarque, anatazama kwamba. Ana que notre cœur est rempli de la parole, il n'y a pas de place na, du péché, il n'y a plus kukala, la place fashi, de l'iniquité, ya uovu, il n'y a plus de place tena, de la désobéissance ya kutokuti, et de l'incrédulité. Na ya kutokuamini. Notre envie, na amu yetu, notre désir, utaka kwetu, c'est seulement de vivre la parole, ni kuishi tu paka et de marcher selon na la volonté de Dieu. Kufuatana na mapenzi ya Mungu. Alors, Dieu, sasa pale Mungu, ne pouvant plus ajouter autre chose à nous, ana na kitu kingine kia kuengeza ndani yetu, il vient nous sceller, jo anakuya sa kututia muri, de son esprit, na roho yake, parce qu'il n'a plus ajouté à nous, sababu akuna kitu kingine kia kuengeza ndani yetu, le sceau que nous recevons, na ile muri tu unapokea, sera avec nous, itabakia pamoja nasi, jusque dans l'éternité, kufika hata milele. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Nous avons encore montré tena, que le Saint-Esprit ya kwamba Roho Mtakatifu est une alliance, ni agano. Vous voyez, c'est un contrat, ni agano. Dans un contrat, on doit respecter les conditions. Mu agano, manapashi kushimia makanuni. Chacun doit respecter les conditions du contrat. Kila moja anapashi kushimia makanuni ya ile agano. Quelles sont les conditions de notre contrat que nous devons honorer? Makanuni ya ile agano tulibeba tunapashi kushimia ni nini? Nous n'avons plus le droit de vivre, de faire notre volonté. Atuna tena na rusa ya kutimiza mapenzi yetu. ou de vivre notre propre vie wala kuishi maisha yetu ashibenyewe dans le contrat que nous avons fait avec Christ mule agano yetu tulifaturunga na Kristo c'est abandonner notre volonté kuachiria mapenzi yetu c'est faire la volonté de Dieu en kufanya mapenzi ya Mungu mkila kitu nous ne voulons plus faire ce que nous voulons atupenda kufanya kile shitu tunapenda mais nous avons le devoir sacré de faire ce que Dieu veut. Tuku na mapasho atakatifu ya kufanya nous kile Mungu anasema. Ce que lui nous commande. Na tunapasha kuangalisha paka kile yeye anatuambia. C'est vrai frère. Bia kweri nduku. Et à ce moment-là notre contrat. Mwile wakati agano yetu. Ah sera respecté. Ah itaheshimiwa. Nous avons montré aussi. Na tuonesha tena. Que le Saint-Esprit. Ya kwamba Roho Mtakatifu. Est un signe de propriété. Ni alama ya usafi. D'appartenance. Alama ya pour montrer que tu es devenu une propriété. Ya kwamba unakuwa mali. Okay. Une propriété. Unakuwa mali de Dieu. Ya Mungu. Tu ne t'appartiens plus. Hauna tena wewe wako. Tu appartiens à Dieu. Unakuwa sasa wa Mungu. Parce que tu as été acquis par son propre sang. Sababu ulinunuliwa kupitia damu yake. Et même en tant que propriété. Na sawa mali. Qui a été acquise par le sang de Christ, nous ne pouvons plus vivre comme nous voulons. Non, mes frères, nous devenons esclaves du Seigneur et nous faisons la volonté de notre Seigneur. Et nous avons aussi montré que le Saint-Esprit est un gage de sécurité. Dieu est maintenant jaloux de nous. Mungu anakuwa sana bwivu yetu. Dieu nous sécurise. Mungu anaanza kutukinga. Dieu ne veut pas que quelqu'un nous touche. Na Mungu asipende tena mtu hata mwatuguse. Quand quelqu'un nous touche, wakati mtu anetugusa, il a la colère de Dieu sur lui. Ule mtu atachukua kasirani ya Mungu yake. C'est lui qui nous maudit. Ule atetulaani. Sa malédiction lui retourne. Laana yake kuna mrudiria. C'est lui qui nous veut du mal. Ule mwenyewe tutakia bibaya. Le mal lui retourne. Ile bubaya kuna mrudiria. C'est lui qui agit méchamment sur nous. Tenda na ukali na romba yetu. Sa méchanceté lui retourne. Ile romba yake kuna mrudiria. Parce que nous sommes les joints. Tunakuwa bapakaliwa. De notre Dieu. Ba Mungu wetu. Il nous protège. Ule tukinga sasa. Comme une véritable femme. Sawa mwanamke bibi ya kweli. Sa femme. Aneka, comme un véritable mari protège sa sawa femme. Vile kwera, kinga mke wake. Dieu est jaloux de nous. Na Mungu anakuwa na bwivu sasa juu yetu. Nous avons dit. Na njoko mara tumeambia. Attention avec les frères. Unapaswa keba ange na banduku. Attention avec les sœurs. Unapaswa keba ange na badada. Ne critiquez pas les frères. Haifai kubeula nduku. Ne méprisez pas les frères. Haifai kuzarau nduku. Ne injuriez pas les frères. Haifai kutukana nduku. Ne maltraitez pas les frères. Vous aurez des problèmes sababu, avec Dieu. Utapata tu mambo na Mungu. Est-ce que l'église est avec moi? Et tu kanisa tu pamoya. Et nous en tant que propriété. Na chie sa mal. Les gens sur qui batu bali. Dieu a posé son sang. Mungu alitia muri yake. Nous qui sommes sécurisés. Si benye kwa mukingo yake. Il nous est interdit, totalement interdit. Ine tu katazwa kabisa de kabisa. De prononcer la malédiction. Chie kutangaza laana ou de maudire les gens wala kulaani mtu ou de souhaiter wala de mauvaises choses sur les gens utakia mtu bibaya parce que notre époux sababu bwana yetu harusi accomplit notre désir ye eko latimiza kutaka kwetu c'est ce que Boaz a dit à Ruth ile Boaz anamwambia Luta je ferai tout ce que toi tu me diras ambesema ile yote yote nyambia mita futimiza et Jésus a dit na Yesu alisema tout ce que vous demanderez en priant muyote mtaomba katika ombi lenu je vous l'accorderai mie Yesu tempatia et Jésus nous a interdit Yesu alitukataria bénissez ubariki ne maudissez pas lakini kushilani hapana donc que dans notre bouche sema mukinyo yetu il sorte seulement de la bénédiction ni paka baraka jona pasha kutoka c'est vrai frère ya kweli nduku après que nous soyons que nous ayons reçu le sceau de Dieu qui cherchait kupokea muri ya Mungu qui est vraiment notre repos yenye kuwa hakika mapumziko yetu même si toute l'église toute ata, la communauté kama kanisa mujima ou toute la communauté est corrompue wala batu bote banachafuka mkanisa mais nous n'avons pas le droit lakini chie aturusiwe de vivre comme les autres. Kuishi sabatu bote. Non frère. Apana nduku. Frère Banam ici dans Israël et l'église. Israël na kanisa mahubiri ndugu banam. Paragraphe 77 page 4. Munuta ya 10 na ma 77. Israël kanisa namba kwanza. Alors vous dites frère banam. Ah muna sema ndugu banam. Si donc je suis sauvé. Kama basi mimi nisha kukolewa. Gloire à Dieu. Ah utukufu kwa Mungu. Je peux faire ce que je veux. Minezi kufanya ile yote mimi napenda. Oui, certainement. Ndio, akika. Kweli. Et si vous êtes sauvé? Na kama umesha kokolewa. Frère. Nduku. Sœur. Dada. Vous n'avez aucun désir des choses du monde. Amuna tena nania ata moya ya bitu ya kidunia. Si réellement vous êtes sauvé, kama tu akika bya kweli unesha kokolewa, vous n'avez aucun désir des choses du monde. Amuna tena nani ata mwanda nienu ya bitu ya kidunia. Votre cœur entier est centré sur Christ. Moya koyote ikutu ni yule ya Kristo. Vous ne pouvez pas vous tenir éloigné de cela. Awezi kwenda mbali na ile. Mais tant qu'il y a un tiraillement en vous. Même wakati yote mungariki makokota nonda nienu. Tant qu'il y a un tiraillement. Wakati ile makokota nonda nienu. Vous savez. Unajua kwamba. Qu'il y a encore quelque chose de faux. Mukote na ndani yako kitu kama kya bongo. Voyez bien mes frères. Unaona nduku mpendo. Un homme qui est sauvé. Mutu mwenye kokolewa. N'a plus le désir du mal en lui. Ndani yake amuna tena nia ya bubaya. C'est vrai. Aucun homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas dire c'est Satan qui m'a fait pécher. Satan m'a fait commettre adultère. Satan m'a fait ceci. C'est Satan qui m'a poussé à voler. Non, c'est un mensonge. Cela est un mensonge. Vous prouvez seulement que vous n'êtes pas sauvé. Una kikisha tu akomba sema au ya okolewa bado. Tu es scellé à l'intérieur de Christ. Unaisha kutiwa muri ndani ya Kristo. Tu ne peux pas y sortir pour commettre adultère. Awezi kutoka ndani ya Kristo juu aende tende mbele msharati. Non bien mes frères. Hapana nduku mpendwa. Quand tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Wakati unaisha kubatizwa na Roho Mtakatifu. Voyez, pour commettre adultère, c'est tout un processus. Dieu a kutenda busharati ni maandamano. Ça commence par la convoitise. Ikunaanzia mbele unatamania. Il y a des plans qu'il faut concevoir. Unapasha kutunga maapu. Pour rencontrer l'homme ou la femme. Dieu a kwenda kubumbana ule mwanamke wala mwanamume. Vous devez fournir beaucoup d'efforts. Unapasha kutosha nguvu ya mingi sana. Même pour faire taire la conscience. Ta propre conscience qui te dit que ce que tu veux faire là c'est mal. Tu vas monter des plans pour rencontrer l'homme ou la femme. Mais après avoir rencontré l'homme ou la femme, vous devez fournir un effort pour vous déshabiller. Vous devez fournir un effort pour vous cacher. Vous voyez bien mes frères, c'est trop d'efforts. Vous voyez. Commettre adultère, même voler. Kutenda busharati, ata kwenye kuiba. Injurier les gens. Kutukana tu mutu. Ou maltraiter les gens. Wala kutendea mubaya mutu. Quelqu'un qui est en Christ ne peut pas faire ça. Mutu leko ndani ya Christ hawezi kufanya parce que ile mania haina tena ndani yake. Croyez bien mes frères. Munaona nduku mpendo. Nous appartenons à Christ. Si tu n'es qu'à Christ, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Na atufai te mapenzi yetu. Nous ne vivons pas comme nous voulons. Atuishi vile tunapenda. Le désir du péché n'est plus na, en nous. Ni ya zambi. Nous n'apprécions plus le péché. Na atufuraiya kete na zambi. Oui bien aimé frère. Dio nduku mpendo. Frère Banam dit dans la brèche. Mu. Frère Banam. Nduku Banam asema. Dit dans la brèche. Unasema mu. Dans la brèche. Bre. Kamulango. Brèche. Paragraphe 46. Nutaki makumi ine na sita. Paragraphe 53 à 55. Makumi tatu. Ici, dans le paragraphe 46, il commence par montrer que le Saint-Esprit est un sceau. Qu'est-ce que signifie le sceau? Le sceau, c'est une œuvre achevée. Mtakatifu ni muri na muri ni kazi yenye kumalizika. Le Saint-Esprit en tant que sceau pour l'individu. Mtakatifu sa muri juu ya mtu. Et na pour celui-ci juu ya ile quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps de pleurs et de gémissements est passé. Wakati ya kugua na kuria, parce que c'est une œuvre achevée. Sababu anakuwa ni kazi yenye kumalizika. Dans son paragraphe 53-54, leçon signifie encore une autre chose, manaki ingine, la propriété. Inakuya mali. Leçon porte une marque qui désigne les propriétaires. Quand vous êtes acheté par le sang de Jésus-Christ et scellé par le Saint-Esprit, vous n'appartenez plus au monde ni à rien de ce qui est au monde. Vous êtes la propriété de Dieu. Autre chose encore. Un sceau est une assurance. Muri manake le sceau signifie que vous êtes assuré. Inamaanisha kwamba unesha kuhakikishiwa. Vous qui ne croyez pas à la à l'éternelle assurance. Mwe amkwazi kuamini kuhakikishwa milele. Sachez qu'un sceau signifie sécurité garantie jusqu'à la destination. Muyo akusema muri manake kusema ukingo ufika na pale de briser ce sceau. Ole kwa ula tapima kuvunja ile muri. Et c'est le sceau du Saint-Esprit. Na muri ya Roho Mtakatifu. Ne peut être brisé. Haiwezi kuvunjwa. Comprenez-vous cela? Eti mnaelewa ile. M'avez-vous déjà entendu raconter? Musha kunishikiaka kusema. M'avez-vous déjà entendu raconter? Eti musha shikiaka kusema. Que les gens disent. Ya kwamba watu wanasema. Le diable m'a fait faire cela. Shetani njoo anifanyisha hivi. Non et non. Hapana, hapana. Ce n'est pas le diable. Haina shetani. C'est simplement vous. Ni wewe. Qui n'étiez pas à l'intérieur et scellé. Njoo akukue ndani na akuwe mwenye kutia moyo. Hauyakuya ndani ya Yesu Kristo. Hauyakuya ndani ya mwili ya Yesu Kristo. Dans le corps de Jésus Christ. Na ukuya hauyaweka muri. N'était pas encore vous voyez, unaona. Parce que quand vous êtes scellé à l'intérieur du corps de Christ, unaisha kutiwa muri ndani ya mwili ya Kristo, lui est scellé à l'extérieur. Ye anaisha kutiwa muri. Ye shetani banamfungia nje ya mwili ya Yesu Kristo. Il est scellé à l'extérieur du corps de Christ. C'est vous qui êtes sorti à la rencontre du diable. Vous ne pouvez pas entrer. Il ne pouvait pas entrer en vous. Parce que le seul processus. Sababu mambo tu kanuni moya. Processus. Kanuni moya. Qu'il aurait pu suivre pour entrer en vous. Il est hier pas à kufuata njoo ingie ndani yako. Et celui que vous avez utilisé vous-même. Na ni ile uwe mwenyewe ulitumikisha. Pour entrer en Christ. Njoo ya kuingia ndani ya Kristo. Il aurait dû être sauvé. Shetani hapashi yeye kubeba kwanza kokolewa. Être sanctifié. Atakasiwe. Être rempli du Saint-Esprit. Alors, il aurait été votre frère. Vous voyez, pour vous faire cela. Mais, vous voyez, il l'a pas fait. Oh non. Ce n'est pas le diable qui a fait ça. C'est vous qui vous êtes approché de la ligne de séparation. En revenant à la convoitie des choses de ce monde. Vous n'êtes jamais entré complètement en Canaan. De l'autre côté du Jourdain. Qui est la mort à soi-même. Vous voyez bien mes frères. Pour que Satan vienne vous faire agir, il doit d'abord commencer par se repentir. Après la repentance, il doit expérimenter le renouvellement de l'esprit. Après avoir expérimenté le renouvellement de l'esprit, il doit naître de nouveau. Après la nouvelle naissance, il doit être sanctifié. Après avoir été sanctifié, il doit aussi être scellé du Saint-Esprit et être votre frère pour qu'il vous fasse agir. Mais si lui-même il vient se repentir auprès de toi. Il ne veut pas vous faire du mal. Cela veut dire achèze kutendesha kufa kitu kibaya. Quoi bien mes frères. Non, on nduku mpeni. Oh, ni Satan arrive faire ça. C'est le diable qui m'a fait faire ça. Non. Ce n'est pas Satan. Aina Shetani. Ni we mwenyewe. De toi-même. Kipendaro yako. Avec ton propre gré. Tu ukingari huko unapenda Satan. Tu continues à aimer le diable. Dunia na nzambi. Tu aimes le monde avec les péchés. Je huko nafanya bile bintu. Voilà pourquoi tu fais ces choses là, ce n'est pas le diable. Kwa mala ya pili. Tu n'es pas encore né de nouveau. Et tu n'es pas dans le corps de Christ, du Christ. Voyez bien mes frères. Non, on a voyez bien mes sœurs. Non, on a dada. Alors. Ça. Peu importe. Aizuru. Combien les membres de l'église. Marangat, ma ou les membres de la communauté. Voilà, ma sont saniko, pécheurs. Ils sont vils et méchants. Cela ne peut pas vous empêcher. Il est une vie chrétienne. Oui, maisha une vie pure. Maisha safi. Une vie maisha kutakaswa. Une vie de, maisha d'un peuple séparé. Ya taifa yenye ilijitenga. Oh, c'est ma sœur qui m'a influencé. Si tu es déjà scellé du Saint-Esprit, tu es dans un véritable repos. Aucun homme ne peut t'influencer dans le mal. Un homme scellé du Saint-Esprit est influençable. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Mais ceux qui sont encore en dehors du corps de Christ, on peut les influencer dans le mal. Que Dieu vous bénisse. Et retenez cela une fois pour toutes. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce repos. Regardez dans Romains au chapitre 6. Pour les quelques minutes qui nous restent, je parlais du repos qui est le sabbat de nos œuvres de la chair. Romains chapitre 6. Dans Romains au chapitre 6, Mukitabu kia Roma sura kia sita, dans son verset 8, Mustari ya kia 8, jusqu'au verset 10, kufika prana kumi. Oh, yep. Si nous sommes morts avec Christ, kama basi tulikufa pamoja na Kristo, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Tunaamini ya kwamba tutaishi tena pamoja naye. Sachant que Christ est ressuscité des morts, benye kujua kwamba Kristo alifufuka kwa wafu. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Remarquez ici. Dans son verset 10, Christ est mort. Christ a c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Ni Dieu azambi, Dieu kenya rikufia mara moja kwa lote. Christ est mort pour le péché. Christ a rikufa Dieu azambi. Mais nous, lakini shi, nous mourons au péché. Tunakufa kuzambi. Christ est mort pour le péché. Christ a rikufa juu ya zambi. Mais lakini shie, nous les croyants, baaminifu, nous les élus, shiba teule, nous mourons tunakufa au péché. Zambi. Dans le verset 6, dans le verset de l'écrit, du chapitre 6, l'écriture dit. Musa kapili ya sura ya tita. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Commençons verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché. Nanakani, tu n'as pas été dans Mozambi. Il est mort pour le péché. Arikufa jua Zambi. Afin de nous racheter. Kusudi akutununua. Du péché. Kuzambi. Mais nous nous mourons au péché. Lakini sisi tunakufa kuzambi. Pour que la vie de celui qui nous a racheté. Du maisha ule mwenye tukomboa. Apparaisse en nous. Ipate koneka na nini. Pour que nous ayons la vie. Tupate kwa na bujima. De celui qui nous a racheté. Wa ule atukomboa. Au péché. L'Église est avec moi. Kanisa tupa mwe. Jésus Yesu Christu est mort pour le péché afin de nous, de nous racheter du péché. Vous voyez? Unaona. Mais nous nous mourons lakini au péché kufa kuzambi, c'est pour recevoir pokea, la vie de celui qui nous a racheté du péché. Muzambi. Et quand nous sommes rachetés du péché, nous entrons dans notre véritable repos. Notre véritable sabbat. Sabato yetu ya kweli. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Le sabbat. Sabato. Signifie jour du repos. Manake shiku ya mapumziko. Dieu créa le ciel et la terre, les cieux et la terre. Mungu akaumba mbingu na dunia. Et toutes les armées célestes dans 6 jours. Na majesi yote ya mbingu mwashiku sita. Et au 7e jour. Na mushiku ya saba. Dieu lui-même se reposa de ses œuvres. Mungu ya mnye akapumuzika kuile makazi alifanya. Il n'a jamais fait quelque chose dans son 7e jour. Ça, c'est le repos ou le sabbat de Dieu. Après son œuvre de la création. C'est ce que nous lisons dans la Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Kitabu ya Mwanzo sura ya pili. Dans son verset 1 à 3. Mustaraki ya kwanza na tatu. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Jovi iliisha kuumbwa mbingu na dunia. Dieu acheva au 7e jour. Mishuka saba Mungu katimiza kazi yake. Qu'il avait faite. Il est aritumika. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Na akapumzika siku ya saba njoo makazi yote. Dieu bénit le 7e jour. Na Mungu akabariki siku ya et saba. Et il le sanctifia. Na akaitakasa. Parce qu'en ce jour, sababu mwile shiku, il se reposa aripumuzika de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Kumakazi yote ariumba mukuifanya. Ça, c'est le repos de Dieu. Iyi, c'est le sabbat de Dieu ya Mungu, ni sabato après l'œuvre de la création. Kisha kazi ya kuumba. Quand Israël est venu, wakati Israël ikuya, Dieu lui a imposé aussi son sabbat. Mungu naye alimpatia siku yake ya sabato. Son repos. Mapumziko yake Israël. Ouais bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Ouais bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. C'est là où il y a même de la confusion. Je parle peigné par patikana mvuruko. Vous voyez les adventistes du 7e jour. Adventistes wanasema ni bashiku ya saba. Ils aiment adorer. Bo wanapendaka. Samedi. Kuabudu samumposho. Il y a d'autres cultes des sabbatiques. Kukuma ibada nyingine ya sabato. Qui ne comprennent pas les choses de Dieu correctement. Et aussi, comme l'apostole le Bababa. Comme l'apostolo. Et aussi respectent le samedi comme le jour du sabbat. Na wanaheshimiaka mposho kama siku ya sabato. Le sabbat que Dieu donna à Israël. Sabato il est Mungu alipatia Israeli. C'était pour les œuvres, pour le repos des œuvres d'Israël. Ilikuwa ni njoo mapumziko ya kazi ya watoto wa Israeli. Et en commémoration du sabbat de l'Éternel. Na mukushangilia sabato ya milele. Lorsque nous prenons Exode au chapitre 20. Kama tunachukua kutoka sura ya Exode au chapitre 20. Kutoka makumi mbili na mbili. Dans son verset 8 à 10. Sura ya 8 paka 10. L'écriture dit ceci.